France Culture, Étienne Klein. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, quel statut pour l'erreur dans les sciences médicales ? Paul Valéry fit un jour cette remarque. Si la médecine arrivait un jour à un degré de précision qui réduisit l'intervention du praticien à une série d'actes définis et bien ordonnés, le médecin deviendrait un agent impersonnel de la science de guérir. Il perdrait tout ce charme qui tient à l'incertitude de son art et à ce qu'on suppose invinciblement qu'il y ajoute de magie personnelle. Il se rangerait tout auprès du pharmacien qui est placé un peu plus bas que lui jusqu'ici, parce que ses opérations sont plus scientifiques et se font sur une balance. Fin de citation. À l'heure où la chirurgie se robotise, ce constat demeure-t-il pertinent? Que reste-t-il d'artistique dans l'exercice de la chirurgie? Comment gérer les risques? Et que faire des erreurs médicales impossibles à éviter totalement? Doit-on les passer sous silence? Ou au contraire les analyser scrupuleusement, honnêtement, puis les enseigner? Pour répondre à ces questions, j'ai invité Éric Vibert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de chirurgie digestive, spécialiste des maladies du foie et des voies biliaires à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, et vous venez de publier un livre intitulé « Droit à l'erreur, devoir de transparence » aux éditions de l'Observatoire. Absolument. J'ai une question un peu naïve pour commencer, Éric Vibert. C'est quelle est la polyvalence aujourd'hui d'un chirurgien? Vous êtes spécialiste du foie, c'est votre organe de prédilection. Mais est-ce que vous pourriez opérer des vésicules, des intestins, des poumons, des paupières? Alors moi, j'ai fait le choix très très jeune de l'hyperspécialité. Et en ce qui me concerne, je n'opère que le foie et les voies biliaires, mais absolument pas le tube digestif, le poumon ou d'autres choses. Mais s'il y avait une urgence, vous pourriez quand même intervenir? S'il y avait une urgence, je pourrais intervenir, mais je ne suis vraiment compétent que en chirurgie du foie. Et même en chirurgie du foie, je m'intéresse en particulier à certain type de tumeur dans le foie. Donc je suis un hyper spécialiste d'un certain type de maladie. Donc c'est pas le foie tout entier, c'est des bouts de foie. C'est le foie tout entier pour des maladies particulières dans le foie. Donc en effet, je suis... Mais c'est un choix parce que j'estime qu'aujourd'hui la médecine est tellement compliquée que pour avoir une légitimité à la pratiquer correctement, il faut être un hyper spécialiste. Et comment est-ce qu'on choisit son organe de prédilection quand on a vocation à devenir chirurgien? C'est quel critère qui retient? Moi, tel choix plutôt qu'un autre? Ce qui m'a retenu, c'est le caractère extraordinairement intéressant de cet organe. C'est-à-dire le foie est un organe magique. C'est un organe qui régénère. C'est un organe qui est plein de l'extérieur et qui est plein d'organisation. Avec une organisation qui n'est pas totalement comprise, et puis surtout qui a des capacités de régénération extraordinaires. On sent qu'on n'a pas encore fait complètement le tour du problème. Mais depuis quand savez-vous que c'est le foie qui vous intéresse? En fait, c'est des rencontres. Hein. C'est des rencontres avec des gens qui vous ont donné l'amour du foie. En tout cas, moi, c'est des rencontres. C'est indiscutablement des rencontres avec Henri Bismuth en particulier, qui m'a fait découvrir cet organe et l'amour de cet organe. Et dans le monde des chirurgiens, est-ce qu'il y a une hiérarchie selon les organes? Est-ce qu'un médecin, un chirurgien cardiaque, par exemple, est plus haut placé qu'un chirurgien du pied? Non, je pense qu'il n'y a pas. En fait, les spécialités sont très disconnectées les unes des autres. Hein. Moi, je rencontre pas de chirurgien cardiaque, je rencontre pas de chirurgien orthopédique. C'est pour ça que, en fait, dire les chirurgiens et opposer les chirurgiens à des médecins, c'est un peu artificiel. Je me sens beaucoup beaucoup plus proche, par exemple, d'un médecin du foie, d'un hépatologue, que d'un chirurgien orthopédiste, voire d'un chirurgien colorectal. Moi, je suis un hépatologue qui opère, en quelque sorte. Alors, je voulais vous faire réagir, Éric Vibert, à une phrase d'Ambroise Paré, à qui vous devez beaucoup, comme je pense tous les chirurgiens, qui a dit ceci: « Ce n'est rien de feuilleter les livres, de gazouiller, de caqueter en chair de la chirurgie, si la main ne met pas en usage ce que la raison ordonne. » Absolument. Et donc, quand vous opérez, dans le feu de l'action, si j'ose dire, quel est le rôle de la raison? Qu'est-ce qu'elle peut ordonner à un chirurgien qui est en train de faire son métier? Quand on opère, en général, on opère à partir de plans qu'on a réalisés auparavant. C'est-à-dire qu'on part en sachant ce qu'on va faire. Et lorsque on opère, en fait, on est systématiquement avec une sorte de réflexe, de pensée intuitive, puisqu'on se, on passe pas son temps à calculer chacun de ses gestes, et on a certains gestes où justement le cerveau reprend la main. C'est exactement comme quand vous conduisez une voiture, vous pouvez être capable de penser à quelque chose d'autre, et en revanche, quand il y a quelque chose de compliqué, vous vous reconcentrez. Donc, alors c'est vrai à partir du moment où on a déjà pas mal opéré. C'est-à-dire qu'en étant plus jeune, il est clair que on est concentré sur tous ces gestes, tout, et on va tout doucement. Mais le plus important en chirurgie, c'est pas les mains, c'est la tête et les yeux. Il faut voir pour pouvoir opérer correctement et positionner son corps pour se mettre en position adaptée. C'est... Oui. Vous racontez d'ailleurs dans votre livre ce qui se passe quand on est mal placé par rapport au corps du patient qu'on opère. Mais je voudrais qu'on parle du foie, justement. Vous en avez dit quelque chose à l'instant. C'est le plus gros des organes du corps humain. Et vous dites, un foie, c'est comme un brocoli. Alors, oui, ça m'a surpris parce que j'ai regardé sur internet l'image d'un foie, enfin les photographies de foie. J'ai vu des brocolis, enfin je sais à quoi ça ressemble par ailleurs. J'ai vu des similitudes, mais ça m'a pas complètement convaincu. Ouais, en fait, c'est une image. C'est pas moi qui ai inventé cette phrase. Hein. C'est un chirurgien japonais qui avait, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un chirurgien japonais qui avait dit ça dans un congrès. Et en effet, il y a une organisation. Il y a une organisation dans le foie qui est fractale, si j'ose dire, avec des branches qui se redivisent en branches, qui elles-mêmes se redivisent en branches. Et c'est quand on coupe, il faut faire attention à ce qu'on coupe. Bah exactement. C'est-à-dire que quand vous faites une chirurgie dite anatomique, il faut enlever le feuillage et les racines qui vascularisent le feuillage en faisant attention de ne pas blesser la branche latérale à la branche principale. Donc c'est vraiment cette organisation, et c'est très important de comprendre ça, parce que c'est ça qui permet d'expliquer aux gens ce qu'on va faire, et c'est ça aussi qui permet de planifier la chirurgie et de pouvoir finalement faire une opération correcte en conservant cette organisation. La particularité de la chirurgie hépatique, c'est ça qu'elle est, c'est là en ça où elle est passionnante, c'est une chirurgie qui se fait sur un organe plein dans lequel il y a une organisation qu'on doit avoir en tête et préserver pour que les choses se passent bien. Venons-en à votre livre, Eric Wiber. Donc ça s'intitule « Droit à l'erreur, devoir de transparence ». Les choses sont assez claires. Il y a même un sous-titre, « Une révolution médicale nécessaire ». Et vous commencez votre livre par une description au scalpel, si j'ose dire, d'une erreur médicale que vous avez commise. Absolument. Qui n'a pas eu de conséquences dramatiques, mais qui vous a marqué au point que vous avez été conduit à réfléchir au statut de l'erreur dans la pratique de la chirurgie et dans son enseignement. Alors cette erreur médicale, elle est survenue en 2015. C'est l'histoire de lac. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un lac pour un chirurgien? Un lac, en fait, c'est un petit morceau d'une espèce de petit bandeau en tissu qu'on met justement autour des branches de ce brocoli pour pouvoir en diminuer le diamètre et passer une agrafeuse dessus. Et en fait, je raconte une histoire où j'ai opéré une patiente qui avait une tumeur bénigne du foie. En plus, une tumeur bénigne du foie avec un potentiel dégénératif. Et il y a eu beaucoup de discussions avant d'opérer cette patiente, parce que justement, la nécessité d'opérer cette patiente n'était pas absolue. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui. Parce que c'était bénin, parce que ça faisait 5 cm et qu'on sait qu'au-dessus de 5 cm, il y a un potentiel dégénératif. Au-dessus de 5 cm, ça peut saigner, puis ça faisait juste 5 cm. Donc on était vraiment, il y avait un vrai débat sur est-ce que j'opère, est-ce que je ne l'opère pas. Et d'ailleurs, je l'ai opéré en 2015, et peut-être qu'aujourd'hui, la science étant ce qu'elle est et les progrès qu'on a fait dans l'intervalle, fait qu'aujourd'hui, je l'aurais même peut-être pas opéré, parce qu'on sait que finalement, ces adénomes ne sont pas si graves que ça, en particulier dans une certaine catégorie. Toujours est-il que, en effet, j'ai coincé un morceau de tissu, qui est donc ce morceau de tissu, qui est un morceau de tissu stérile, en agrafant le pédicule en question. Et j'ai fait ça en toute bonne foi, sans penser que ça avait aucune conséquence. Et il se trouve que le lendemain, lorsque la patiente avait de la bile qui lui coulait par les drains, j'ai été extraordinairement surpris parce que pour moi c'était une opération qui s'était parfaitement bien passée. C'est-à-dire que j'avais vraiment eu une l'impression d'une opération qui était parfaite et j'avais d'ailleurs été voir la malade le soir en lui expliquant, écoutez, ça s'est parfaitement bien passé. Vraiment, je pense que vous serez sorti dans 48 heures. J'avais fait une segmentectomie 8 anatomique, c'est-à-dire que j'avais enlevé toute la partie du brocoli qui contenait la tumeur de manière extrêmement précise en respectant justement toute cette organisation qu'il y a dans le foie. Donc le lendemain, je dois dire que je ne croyais pas du tout à cette complication. C'est-à-dire que je niais même la réalité. Je disais, c'est pas possible. Ça s'est parfaitement bien passé. Mais vous racontez que vous n'étiez pas seul. Un autre chirurgien est passé là. Oui. Et vous aviez quand même un petit doute. Mm. Vous aviez le sentiment d'avoir commis un petit bug. Et il vous a dit, c'est pas grave, continue. Oui, mais il m'a fait ça avec beaucoup de bienveillance. C'est-à-dire que il pensait sincèrement et que c'était absolument pas grave parce que ça lui était déjà arrivé et que finalement il s'était rien passé. C'est-à-dire qu'il y avait en fait, j'ai été chercher un c'est biais de confirmation, j'ai été chercher quelqu'un qui me rassurait et très honnêtement avec ou sans lui, je pense que j'aurais agrafé de la même manière. Donc il y a un vrai sujet là qui est le fait que ce qui est plus important encore que le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit venu discuter avec moi au moment de ce point-là, c'est que le lendemain, en fait, comme je ne comprenais pas, j'ai nié un peu la réalité en disant bon voilà, ça va se passer, elle doit avoir un peu d'air entre le foie et le diaphragme, raison pour laquelle elle a mal dans l'épaule. Et donc j'ai attendu peut-être même 6 heures de trop pour la reprendre en charge. Et c'est à ce moment-là où je l'ai réopéré, j'ai trouvé de la bile dans le ventre. Et rétrospectivement, je me suis dit, mais au fait, j'ai fait un film. Au fait, j'ai fait un film de cette opération. Et le film, vous avez filmé l'opération. J'ai filmé l'opération parce que c'est une opération que j'ai fait sous célioscopie, une opération que j'ai fait à ventre fermé. Donc quand on filme à ventre fermé, c'est assez simple finalement de faire un film puisque vous avez une caméra avec laquelle vous faites l'opération. Donc, et en fait, j'avais fait ce film non pas à titre systématique, mais parce que je savais que ça allait être une opération finalement relativement simple, assez précise et où je savais exactement ce que j'allais faire. Et je voulais que ce film soit didactique. Et en fait, rétrospectivement. Mais vous aviez oublié qu'il y avait un film. J'avais même oublié qu'il y avait un film. J'avais même oublié qu'il y avait un film parce que pris dans le feu de l'action où le problème du film didactique n'était absolument plus le problème, eh bien j'avais oublié qu'il y avait le film. Et c'est en reprenant le film secondairement que j'ai compris ce qui s'était passé. Et ça a été pour moi absolument majeur. C'est-à-dire que je me suis dit à partir du moment où j'ai fait passer quelque chose. Enfin, si vous voulez, le point, c'est que quand il se passe quelque chose en post-opératoire, on appelle ça un événement indésirable. Je trouve que le terme d'événement indésirable, quelque chose d'un peu particulier. J'ai l'impression que ça tombe du ciel comme quelque chose qui, évidemment, c'est indésirable, mais on, voilà, ça tombe du ciel. Ça vient après. Et puis, il y a un autre terme que j'aime pas trop, mais même s'il existe, c'est le terme d'aléa thérapeutique. C'est-à-dire, c'est quelque chose, ça arrive. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à admettre ça et je préfère parler avec beaucoup de transparence, de complications post-opératoires. Parce que c'est une complication post-opératoire, et plutôt que d'aléas thérapeutiques, d'erreurs. Il y a une erreur qui a été réalisée. Il y a indiscutablement un moment où j'ai agrafé un pédicule avec un morceau de tissu dedans, et je pensais que ça n'avait pas d'impact, et ça en avait un. Et c'est toute ma réflexion, elle vient de là. Mmh. Elle est absolument pas malveillante vis-à-vis de qui que ce soit. Elle ne veut absolument pas aller contre mes pairs, contre les gens avec qui je travaille. Elle a pour simple objectif de se dire, attention, faisons bien la différence entre l'erreur et la faute. Une erreur, c'est absolument indissociable de toute activité humaine. Oui, mais excusez-moi, Eric Wiber, mais apprendre de ses erreurs, c'est une sorte de mantra basique de la pédagogie dans toutes les matières. Pourquoi est-ce que dans le monde de la chirurgie, on a tant de mal à dire ses erreurs après coup ? Parce que la chirurgie, c'est quand même un métier où on rentre dans des corps. On a une responsabilité absolument, absolument terrible. C'est-à-dire que quand on décide de faire une opération, eh bien, on a une responsabilité très importante. Et si vous faites une erreur, on peut comprendre que vous soyez en difficulté, même vis-à-vis de vous-même, à admettre que vous avez fait une erreur vis-à-vis des autres, vis-à-vis des assureurs. Donc, il y a un vrai sujet. Je pense que le problème de fond, il est là. C'est bien comprendre la différence qu'il y a entre l'erreur et la faute. Pour moi, Une erreur, bah, c'est quelque chose qui arrive et on en parlera, il y a plein d'explications. Et la faute, c'est justement, de manière consciente ou inconsciente, de ne pas en parler et du fait que ça recommence. Faire deux fois la même erreur, je trouve que ça, c'est une faute. Donc il y a un moyen, comme les erreurs sont inévitables, il y a le moyen, c'est ce que vous tentez de développer et d'expliquer dans le livre, de ne pas en faire des fautes. Absolument. Je pense qu'il faut tout faire pour que, enfin c'est dans le titre, hein, je veux dire, le fait d'avoir un droit à l'erreur, c'est absolument indissociable d'un devoir de transparence. On n'a aucun droit si on n'a pas des devoirs. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est vrai en médecine, comme en politique, comme n'importe où. Des droits, ça s'associe à des devoirs. Et je pense vraiment qu'il faut que on change notre attitude vis-à-vis de ça. Et je pense que c'est un problème. C'est le vrai sujet de fond. Il est humain, quoi. Il est vraiment humain. C'est votre conclusion. Alors avant, je voudrais qu'on revienne, parce que moi je le découvre, quand je suis passé sur le billard, j'ai jamais vu ce qui se passait et pour cause. Qu'est-ce que c'est que le métier de chirurgien? Vous dites, il est plus difficile aujourd'hui qu'hier d'être un bon chirurgien. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que c'est parce qu'il y a des traitements alternatifs? Absolument. Qui créent une forme de concurrence par rapport à la chirurgie? Absolument. Le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, devant une tumeur du foie qui fait 3 cm par exemple, eh bien, il y a des alternatives thérapeutiques à la chirurgie qui n'existaient pas il y a 15 ou 20 ans. Ça veut dire qu'on opère de moins en moins. On opère. On a aujourd'hui des possibilités de destruction locale. On peut brûler une tumeur, on peut faire de la radiothérapie, on peut faire des traitements endovasculaires. Donc il y a des alternatives thérapeutiques qui sont presque aussi efficaces que la chirurgie. Et aujourd'hui, il est nécessaire d'évaluer nos actes, nos résultats, plus uniquement en termes de quantité de vie, mais aussi de qualité de vie. C'est-à-dire que lorsque je décide de faire une opération, je décide parce que je pense que je vais apporter quelque chose en plus par rapport à une alternative. Et je trouve que c'est extraordinairement difficile. Plus on est, à mon avis, instruit, plus on se rend compte que dans certains cas, on ne sait pas. Moi, je pense que je suis un hyper spécialiste du cancer primitif du foie, du carcinome hépatocellulaire ou du cholangiocarcinome. Je connais pas grand chose, mais ça, je connais très très bien. Eh bien, il y a des situations où, de manière extrêmement claire, extrêmement honnête, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je prends une décision, parce qu'à un moment, il faut décider. Mais c'est une décision personnelle ou il y a toute une équipe? Il y a toute une équipe. Et j'ai la chance de travailler au centre hépatobiliaire de l'hôpital Paul Brousse, qui est un lieu d'excellence en chirurgie hépatique depuis très très nombreuses années. On fait des quantités, très impressionnante de réunions, de staff, de RCP, de préparation. Il faut bien voir une chose, il y a des discussions multiples avant de prendre en charge un malade et on hésite. Mais il y a des situations où même quand vous réunissez 5 ou 6 experts autour de la table, eh bien la décision est pas toujours extrêmement claire. On ne sait dans certains cas pas exactement ce qu'il faut faire. Et à un moment, vous prenez une décision et vous êtes accompagné de la bienveillance de vos collègues. Et je crois que le sujet de la bienveillance est très important, là. C'est-à-dire que à partir du moment où vous prenez une décision, où vous avez l'audace de dire « il faut faire ci plutôt que ça », eh bien, il faut que cette responsabilité, cette audace, elle soit partagée par l'ensemble de l'équipe et non pas reposée sur les épaules d'une seule personne. Ça, je crois que c'est absolument fondamental. C'est ça qui va transformer notre rapport à l'erreur. C'est le fait que on est dans un partage du risque. Et au bloc opératoire, c'est la même chose. Parce que finalement, avant la chirurgie, finalement, on est assez fort finalement pour sélectionner le bon traitement, la bonne situation. Mais c'est en péropératoire, dans des situations qui sont des situations inédites, où là, on peut se retrouver finalement dans quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Et c'est là où il faut réagir souvent vite, souvent seul, et qu'il faut pas hésiter, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, hein, il faut pas hésiter à appeler quelqu'un pour décider à plusieurs. Et c'est là où il y a indiscutablement l'ego chirurgical qui est présent, parce que il y a un ego chirurgical particulier. Alors je ne sais pas si c'est une cause ou une conséquence de notre métier, mais il y a un ego chirurgical qui est indiscutablement présent. Qui consiste en quoi, si vous deviez le définir ou le caractériser? C'est-à-dire que ce métier de chirurgien, c'est un mélange d'audace et de lucidité. Donc, faut avoir l'audace de faire. Pour avoir l'audace de faire, faut avoir une certaine confiance en soi. Et après, ça s'intègre dans un système hospital-universitaire qui se modifie avec le temps. Hein. Je décris dans ce livre une période un peu mandarinale qui est en train de disparaître, indiscutablement en train de disparaître. Ce que je décris est peut-être dans certains cas un peu caricatural, parce que j'en ai parlé avec certains de mes collègues qui m'ont dit tu exagères un peu, c'est pas comme ça. C'est en tout cas mon ressenti il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est en train de changer, heureusement. Mais le système hospitalo-universitaire français est encore un petit peu pyramidal. Mais ce que vous dites là, Éric Vibert, ça m'amène à une question un peu naïve, pardonnez-moi. Mais la question que je me pose est toute bête, c'est comment est-ce qu'on devient chirurgien? Parce qu'avant de l'être complètement, on l'est pas du tout. Pardonnez la palissade, on n'attrape pas un bistouri en première année d'internat. Et pourtant, un beau jour, faut se jeter à l'eau. Donc on l'est pas du tout, et puis tout d'un coup, on l'est complètement. Comment se passe cette transition? Bah, c'est l'apprentissage de ce métier qui est extrêmement long, qui consiste quand même pendant très très longtemps à regarder. On regarde ce que font les autres. Donc vous êtes dans la salle d'opération. Vous êtes dans la salle d'opération. Vous êtes interne. Donc, alors quand on est jeune interne, on va à l'école de chirurgie apprendre à faire des sutures sur des morceaux de tissu, choses comme ça. On apprend des gestes très simples. Et puis on aide. On aide. Le chef de clinique, c'est-à-dire celui qui est à l'échelon du dessus à faire des opérations, puis si au-dessus du chef de clinique, eh bien en général, il y a un praticien hospitalier ou un PUPH ou un professeur des universités qui lui aussi opère et qui dans certains cas aidé par le chef de clinique et tout ça dépend des rapports qu'il y a entre ces gens-là. Donc c'est très long, l'apprentissage de la chirurgie, c'est très long, c'est d'autant plus long que vous allez dans des spécialités compliquées, que vous cherchez à aller traiter des malades avec des maladies très compliquées. Moi, j'ai fait le choix, hein, c'est un choix tout à fait personnel, d'aller dans cette vision-là des choses, d'aller traiter des malades avec des pathologies très lourdes, où justement c'était des situations inédites, c'était des malades compliquées, parce que c'est indiscutablement très excitant de découvrir des choses, de traiter des malades compliqués, de voilà, plutôt que de faire systématiquement la même chose. J'avais un de mes anciens patrons qui me disait la chirurgie cesse de m'amuser lorsque je connais la fin de l'histoire. Eh ben c'est très vrai, c'est très vrai. Enfin pour le patient c'est quand même rassurant de savoir que le chirurgien connaît la fin de l'histoire. Non c'est l'idée c'est que on sait qu'on va gagner. On ne sait pas toujours par quel chemin on va passer, mais on découvre des choses. C'est-à-dire que quand en tant que chirurgien, on sort de la salle d'opération, il y a une sorte de quoi, de griserie existentielle. Ouais, il y a de shoot. Ouais, il y a une satisfaction personnelle indiscutable à des opérations réussies. Quand vous faites une opération qui dure 14 heures, moi ça m'est souvent arrivé de faire des opérations très très longues, je fais de la transplantation hépatique, je fais des chirurgies hépatiques très lourdes, et bien ces opérations-là durent très longtemps. Et bien quand on sort de ces opérations-là, qu'on a passé tous les obstacles, qu'on a réussi à trouver à chaque fois des solutions pour passer les obstacles, on est fier, on est indiscutablement fier. Et c'est vrai que, j'en parle un peu dans le livre, les comptes rendus opératoires qu'on va faire pour pouvoir justement raconter cette histoire, eh bien, vont être finalement assez dépendants, et on le comprend assez bien, de l'histoire que vous avez vécue. Une opération qui se passe très très bien va être, en tout cas c'est mon ressenti, hein, c'est ce que j'ai ressenti, décrite probablement différemment qu'une opération qui se passe plus mal. Plus en détail ? Plus en détail ou avec des mots qui vont être utilisés qui vont être différents, et c'est là où moi j'insiste beaucoup sur le fait que lorsqu'on reprend un compte rendu opératoire qui est quelque chose qui décrit ce qui s'est passé en opératoire, eh bien il y a indiscutablement une description de la réalité par celui qui la vit. Et on imagine bien tous les biais qu'il peut y avoir derrière ça. Et il me semble absolument raisonnable de mettre en place des caméras pour filmer les choses. C'est exactement ce qui s'est passé avec la patiente dont je parle au début du livre. Hein. C'est que avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle, de bienveillance, on raconte les choses parce qu'on pense vraiment les avoir vécues comme ça. Et puis qu'ensuite, quand on regarde ce qui s'est passé, bah en fait, ça correspond pas à ce qu'on avait dans la tête. D'ailleurs, quand on fait une erreur, c'est qu'on n'a pas compris ce qui se passait. Sinon, on n'aurait pas fait d'erreur. Donc, notre compréhension de l'anatomie, notre compréhension de la situation est peut-être pas la bonne. Donc, il y a un vrai, vrai sujet, là, sur qu'est-ce que c'est que la réalité. On va y revenir, mais moi, je suis fasciné par ce métier de chirurgien que vous pratiquez. Est-ce que vous êtes capable de dire pourquoi vous avez choisi cette activité? Vous parlez dans le livre de votre amour pour les sports, sinon à risque, du moins, qui procure des sensations fortes. Est-ce que ça a un rapport? Oui, je pense que c'est une activité sensationnelle, la chirurgie. C'est des moments, justement, lorsqu'on n'est pas dans une situation où on est en train d'ouvrir le ventre ou genre de choses, dans les moments qui sont des moments finalement assez simples. Quand on est concentré sur des moments extrêmement difficiles, c'est des moments où vous avez l'ensemble de votre cerveau qui est concentré sur le moment présent. Vous n'avez rien d'autre qui compte que ce que vous êtes en train de faire. Je trouve que il se trouve que j'aime beaucoup en effet les sports de glisse, et on retrouve dans les sports de glisse finalement la même chose. C'est-à-dire que quand on est devant une vague, eh bien il faut y aller, l'audace d'y aller, parce que vous allez affronter un obstacle, et puis il faut avoir la lucidité de passer à côté si vous tentez que ça devient trop gros. C'est exactement la même chose en chirurgie. En chirurgie, quand vous êtes en train d'avancer sur une veine hépatique, qui est un tissu extrêmement fragile, vous voyez les globules rouges passer derrière, et vous êtes... On les voit individuellement? Quasiment, vous pouvez quasiment les appeler par leur prénom. Tellement c'est fin. Non, en fait, vous voyez le flux sanguin passer sous une veine hépatique. Une veine hépatique, ça a l'épaisseur de la peau d'une tomate. C'est extrêmement fin. Et donc, vous voyez derrière la paroi de la veine, le flux sanguin. Et vous savez que vous devez passer cet obstacle-là. Il y a indiscutablement une concentration totale. Et on peut rester concentré pendant 14 heures, puisque vous parlez d'opération. Non, vous ne restez pas concentré pendant 14 heures. Vous êtes concentré de manière extrêmement importante dans des moments où vous avez besoin de l'être. Mais c'est vrai que la respiration qui suit l'apnée au moment où vous êtes en train de faire un geste extrêmement précis est agréable. C'est-à-dire que vous avez réussi à passer un obstacle. Et vous avez une sensation indiscutablement à ce moment-là d'être le seul à être capable de faire ça. Même si c'est pas, absolument pas vrai. On va se détendre un peu, Eric Vibert. On va écouter une chanson que vous avez choisie. C'est La Quête de Jacques Brel. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible. accessible. Et toi, Eric Weber, Jacques Brel, La Quête, avec des paroles qui, quand on parle de chirurgie, sont inquiétantes. Aimer jusqu'à la déchirure. Ouais, non, je peux le comprendre, mais simplement parce que je trouve cette chanson absolument remarquable. Enfin, elle m'a toujours beaucoup ému. Et puis, ça fait un peu référence au parcours et peut-être aux difficultés que j'ai pu avoir avant pour réussir à rester dans le centre dans lequel je travaille. Et je suis extrêmement fier de bosser avec les gens avec qui je travaille et de le lieu où je travaille. Mais c'est vrai que ça a été compliqué, long et difficile. Alors pendant cette chanson, Anna Holweck qui réalise cette émission et Jean Frédérix qui s'occupe de la technique se sont demandé s'il était vrai que pendant les opérations qui durent 14 heures, vous êtes seul ou est-ce que vous êtes relayé par d'autres ou vous faites pendant 14 heures vous êtes Vous n'êtes jamais seul quand vous faites une opération en face de vous. En face de vous, vous avez un interne, un chef de clinique, un interne, souvent un autre collaborateur. Enfin, on est très nombreux. Alors, quand je dis 14 heures, une opération de 14 heures, ça se fait pas tous les jours, hein, mais on peut faire des opérations, ce qu'on fait assez fréquemment, entre guillemets, c'est des opérations qui peuvent durer 10, 12 heures. Hein, c'est une opération qui dure toute une journée. Hein, et en effet, vous êtes seul. Enfin, vous êtes seul. Vous faites l'opération de bout en bout. Il y a combien de personnes dans une salle d'opération? Beaucoup. Lorsqu'on fait une opération, vous avez le chirurgien, en face vous avez un premier aide, un deuxième aide, qui est à gauche du chirurgien, souvent un troisième aide, donc on est souvent quatre sur le champ opératoire, à l'endroit où je travaille, hein. C'est-à-dire que c'est un lieu où on fait des opérations plutôt compliquées quand même, et une panseuse, plus un anesthésiste et un infirmier anesthésiste. Donc on est très nombreux, sans compter les gens qui regardent les opérations, des stagiaires, souvent des stagiaires étrangers qui viennent regarder. Donc faut voir que le bloc opératoire, c'est un lieu où il y a beaucoup de monde, avec c'est un lieu fermé dans lequel il y a une ambiance très particulière. On compare souvent le métier de chirurgien à celui de pilote de ligne. Mmh. Est-ce que c'est justifié? Quelles sont les différences? Mmh. Il y a une différence remarquable qui est que quand un avion tombe, le pilote tombe avec tout le monde, ce qui n'est pas le cas du chirurgien qui commet une erreur. Oui, je crois que c'est la principale, c'est la grande différence, c'est que je pense que dans une situation où un Boeing chute, le pilote est dans des situations de stress qui doivent être absolument terribles, à mon avis supérieures à celles d'un chirurgien même qui est en train de perdre un malade, parce qu'il a sa vie en jeu. J'ai jamais été à la place d'un pilote, mais ça doit être absolument terrible. Mais vous citez des chiffres qui sont terribles. Vous dites qu'en 2017, ouais, 44 passagers sont morts sur environ 3,5 milliards de personnes transportées dans un avion de ligne. Ouais. Et dans la même année, 2017, donc, l'erreur médicale est la troisième cause de mortalité aux États-Unis. Ouais. Troisième cause. Ouais. Après les problèmes cardiovasculaires et les problèmes de cancer. Alors c'est beaucoup beaucoup moins, je crois que c'est 7%, hein, c'est beaucoup moins. Et c'est l'erreur médicale de... C'est l'erreur médicale au sens large, hein, c'est pas... Pas que les opérations. Non, c'est l'erreur médicale au sens large. Oui, c'est indiscutablement un sujet, hein. C'est dans cette... Et en plus, c'est très difficile de pouvoir vraiment précisément définir quelle est l'origine du mal, entre guillemets, puisque quand on rédige un certificat sur raconter ce qui s'est passé, les malades meurent souvent de plusieurs, ils meurent par exemple, si un malade meurt en post-opératoire, c'est rare, heureusement très rare, mais malheureusement ça arrive, et eh bien c'est souvent l'association de plusieurs choses. Alors maintenant, d'essayer de comprendre où est-ce qu'il y a eu un problème, est-ce que c'est une déficience humaine, ou est-ce que c'est un problème d'organisation, c'est extraordinairement difficile. Est-ce que vous pouvez nous parler du modèle de Reason, qui est basé sur une hypothèse? Alors, je ne sais pas si on doit dire qu'elle est banale ou pas, c'est l'idée que l'erreur est inséparable de l'intelligence humaine. Mmh. C'est pas la même chose que de dire que l'erreur est humaine. Il y a un autre message là. Mmh. L'erreur est inséparable de l'intelligence humaine. Ça veut dire quoi? Reason, c'est un psychologue qui, dans les 70, a travaillé justement sur le fait que le système qui permet d'éviter les erreurs, ce sont différentes barrières avec une erreur qui se balade entre les différents trous pour pouvoir arriver à ses fins, si j'ose dire. Et que lui, il a une vision très systémique de l'erreur. Il essaye pas de trouver une cause. Il dit que c'est plusieurs causes qui s'associent les unes derrière les autres. Donc c'est des plaques avec des trous. C'est des plaques avec des trous. On les accumule, on les met les unes derrière les autres avec l'idée que le trou de l'une ne correspond pas, on n'est pas en vis-à-vis du trou de l'autre, de sorte qu'il y a une protection absolument qui finit par s'installer. Absolument. Alors c'est vrai, hein, c'est juste que c'est une manière de voir les choses. Il n'en reste pas moins que je pense qu'il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a en effet des situations où c'est comme ça que ça se passe. Et d'autres situations où il y a indiscutablement quelqu'un à un moment qui a coupé la mauvaise artère ou qui a pris la mauvaise décision. Alors ensuite que le système l'ait pas récupéré, ça c'est en effet c'est un fait. Mais il y a un moment, il y a quand même quelqu'un à un moment qui a pris une mauvaise décision. Alors dans votre livre, vous parlez de différents types d'erreurs. Mmh. Vous parlez par exemple d'enchaînement diabolique. Ouais. Et vous en racontez un d'ailleurs, une histoire de absolument de bile, enfin de jaunisse. Oui. Il y a d'ailleurs un mot que vous disiez que j'adore, la bilirubine. Ouais. C'est un mot magnifique. La bilirubine. Ouais. C'est un très beau mot, non? Ouais, oui, c'est une composante de la bile. C'est le produit de dégradation de l'hème qui est le globule rouge. C'est un mot qui colore la bile. C'est pour ça que la bile est foncée. C'est que la bilirubine est évacuée par le foie dans la bile. Mais c'est un mot qu'on utilise quotidiennement plusieurs fois par jour, le mot bilirubine. C'est un témoin de la fonction. Quelle chance. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé ce jour-là? Ben, il m'est arrivé une chose étonnante, enfin une chose qui était le fait justement d'une situation très compliquée où on ne savait pas exactement ce qu'il fallait faire. C'est l'histoire d'un monsieur qui avait une jaunisse. Il avait donc un problème d'occlusion des voies biliaires, donc du conduit qui permet d'éliminer la bile produite vers le foie, vers le tube digestif, ce qui fait qu'il devenait jaune. Il avait une jaunisse et on ne savait pas si cette jaunisse était en rapport avec une maladie tumorale, avec un cancer, ou si elle était en rapport avec une maladie inflammatoire, une zone fibreuse de rétrécissement de la voie biliaire. Et il était absolument déterminant de prendre une décision dans une des deux hypothèses, parce que dans le cas où c'était un cancer, il fallait faire une très grosse opération avec une préparation pour une opération qui consistait à faire ce qu'on appelle une embolisation portale qui permet d'atrophier le foie d'un côté, de l'hypertrophier de l'autre côté. Bref, une préparation à une opération qui nécessitait un ou deux mois et une chirurgie elle-même qui était associée à une mortalité. Alors c'est statistique, hein, on traite des cas particuliers et on réfléchit sur les statistiques, mais globalement autour de 7%. Donc ça c'était dans l'hypothèse cancer. Et dans l'hypothèse inflammatoire, on était avec une opération qu'on pouvait faire le lendemain et une opération qui avait un risque de mortalité post-opératoire qui était quasi nul, très très faible. Et donc, le débat était très clairement là. Et moi, j'avais des arguments pour penser qu'il ne s'agissait pas d'un cancer, mais uniquement d'une maladie inflammatoire, parce que les marqueurs tumoraux étaient bas, parce qu'on ne voyait pas de masse, parce que les biopsies qu'on avait fait à l'intérieur des voies biliaires ne retrouvaient pas de cancer. Et il y a eu un débat. On vous a dit que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Absolument. Mais le malade était en très bon état général. Deux, je savais que cette maladie existait. Cette sténose inflammatoire. Et il y a eu un débat. Et clairement, il y a eu un staff, on l'a discuté, et avec beaucoup de bienveillance, là, pour le coup, le staff a dit, écoute, on ne sait pas, vraiment, ni eux, ni moi ne savaient, et donc moi, j'ai pris la décision de l'opérer, comme si ce n'était pas un cancer. Et le lendemain, je suis arrivé au bloc opératoire avec une concentration sur ce point. Concentration sur ce point, c'est est-ce que c'est un cancer ou est-ce que pas? Est-ce que je suis pas en train de faire une connerie? Est-ce que je ne suis pas en train de partir dans la mauvaise direction contre l'avis des autres? Et qui eux-mêmes, d'ailleurs, n'étaient pas absolument pas certains de leur opinion. Les choses n'étaient évidemment pas claires, parce que quand vous avez 5 experts qui se posent des questions, c'est que la situation est vraiment compliquée. Et donc, le lendemain, j'opère ce patient avec une seule idée en tête, c'est est-ce que c'est un cancer ou pas un cancer? Et je coupe une artère. Je n'avais pas vu parce que j'étais concentré sur ce point-là. Est-ce que c'est un cancer ou pas un cancer? Donc c'est indiscutablement un problème qui, je pense, était lié à mon état d'esprit au moment où j'ai fait l'opération. Et rétrospectivement, pour y avoir beaucoup réfléchi, je me suis dit en fait, il aurait fallu que quelqu'un d'autre fasse l'opération et que j'aide la personne. Mais pour que lui, il aurait eu le détachement suffisant pour pouvoir opérer convenablement, puisqu'il n'avait pas le poids de la décision en termes de responsabilité. Voilà. Donc les choses se font. Alors, finalement, j'avais raison. Le lendemain, je vais voir mes collègues en leur disant bon bah écoutez, c'était pas un cancer, j'avais raison. Et là, tout le monde me dit bah bravo, t'as eu du bol. Il y a eu ça aussi, hein, t'as eu du bol parce que c'était pas du tout simple, t'as eu du bol. Et je dis bon, j'ai le problème c'est que j'ai coupé une artère, alors je l'ai réparée, ça s'est bien passé. Et puis il y a beaucoup avec beaucoup de bienveillance. Bah écoute, c'est pas grave, ça arrive. T'as coupé l'artère, mais de l'autre côté tu lui as fait une opération qu'il fallait précisément faire. C'est très bien, bravo. Et c'est vrai que j'ai pris le meilleur de cette situation. Et voilà. Et ce patient est revenu quelques jours plus tard avec une hémorragie qui était la conséquence d'une rupture de cette artère. Et c'est vrai que j'ai réopéré ce patient avec une culpabilité absolument terrible. Parce que faut voir, ce métier, il fait quand même qu'on a la vie des gens sur le poids sur les épaules. C'est-à-dire qu'on est responsable de ça. Donc, quand j'ai repéré ce malade, je me suis dit mais vraiment, tu n'as pas agi correctement, tu n'étais pas assez conscient. J'avais beaucoup de culpabilité et des erreurs se sont enchaînées les unes après. On rentre dans les espèces de cercles vicieux plutôt, qui fait que les erreurs s'enchaînent et c'est ce qu'on appelle les enchaînements diaboliques. Et ça peut aller jusqu'à il faut transplanter ce malade pour pouvoir finalement repartir à zéro. Et heureusement, là, le système a bien fonctionné. Le système a indiscutablement bien fonctionné. Et mon chef de service a arrêté ce qu'on appelle l'escalade de la violence. On est en stop. Écoute, là, les choses ne vont pas si mal. Pourquoi tu veux transplanter ce malade? Quels sont les arguments pour transplanter ce malade? Et c'est vrai que objectivement, il n'y avait pas d'éléments qui me permettaient de dire faut attention. Le malade était en bonne, enfin il était pas jaune, il était pas choqué, enfin voilà. Et en effet, on l'a pas transplanté. Et aujourd'hui, il se porte plutôt pas mal. Dans un chapitre, vous parlez d'effet tunnel. Alors, je m'attendais à ce que vous parliez de mécanique quantique. Non. Parce que l'effet tunnel en mécanique quantique, c'était quand même une expression consacrée. Mais non, c'est pas de ça que vous parlez de l'effet tunnel, au sens où vous êtes enfermé dans une stratégie et vous voyez pas la lumière. Ouais, l'effet tunnel, c'est le fait d'avoir une trop grande foi dans une stratégie adoptée. Vous avez plus de souplesse intellectuelle. C'est-à-dire que vous êtes absolument certain qu'il faut faire ça. Et il n'y a plus rien d'autre qui compte. C'est-à-dire que et ce que je raconte, c'est une histoire qui m'est arrivée aussi. C'est-à-dire que j'étais en train de faire une transplantation hépatique avec une opération qui se passe parfaitement bien. J'en ai fait quelques centaines. Et à la fin de la transplantation, je n'arrivais pas à coudre. Je tremblais quand j'étais en train de coudre une toute petite artère et je ne comprenais pas pourquoi. Et je l'aurais fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et ça ne marchait pas. Je tremblais et je ne comprenais pas pourquoi je tremblais. À un moment, j'ai dit stop, on arrête. On va prendre un café et puis on revient. Et je reviens après un petit peu avant mes coéquipiers et je reprends la stomose artérielle en étant moins nombreux au bloc. Et là, je refais la stomose en une minute. Il n'y avait plus du tout de tremblement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je trouve que j'avais à côté de moi un aide avec un abdomen un peu proéminent, et je ne lui en veux absolument pas. La seule chose, c'est que je n'avais pas remarqué que du fait de la présence de l'aide à côté de moi, j'avais les coudes en l'air, et comme j'avais les coudes en l'air, je tremblais. Et donc, À cause de son ventre, parce que j'étais gêné. Et c'est pas à cause de son ventre. Et en fait, le truc qui est très, très important, c'est pas le fait qu'il ait un abdomen volumineux, c'est le fait que personne, et surtout pas moi, n'ait pris conscience du fait qu'il fallait peut-être passer à autre chose. Voilà. Il fallait changer les conditions initiales. Alors, tout votre livre, enfin une grande partie de votre livre, c'est qu'est-ce qu'on doit faire de ces erreurs, justement, comment est-ce qu'on doit les gérer. Il y a plusieurs stratégies. Vous parlez de boîte noire, qui est l'exemple inspiré de l'aéronautique. Si on propose à vos collègues chirurgiens d'être filmés, que tout soit enregistré quelque part, quelle est leur réaction? Alors là, si on propose aujourd'hui ça, leur réaction est pas bonne. Pour avoir fait le test, puisqu'on avait envoyé un sondage il y a quelques mois, discutablement, les gens ont l'impression d'être fliqués. Donc il y a un vrai travail à faire pour justement expliquer le fait que on n'est pas en train de fliquer les gens. On est en train d'essayer de pouvoir tirer profit des erreurs de certains, que l'erreur, elle n'est pas une faute à partir du moment où elle ne se répète pas, et surtout, et c'est ça à mon avis le truc le plus important, c'est d'être capable de comprendre que c'est à travers des erreurs ou des presque erreurs qu'on est capable de faire des grandes innovations. C'est-à-dire que je pense que le monsieur qui a inventé la tarte tatin, qui a fait tomber une tarte à l'envers... C'était une dame, qui a fait tomber une tarte à l'envers. C'était une grande cuisinière qui était capable de tirer profit du hasard. Bah, c'est la même chose. Je pense que si on est capable de d'être capable de capter le hasard et de découvrir des choses du fait du hasard, on va faire des grandes découvertes. Donc c'est ce qu'on appelle la sérendipité. Absolument. Bah, faut se donner les moyens de la sérendipité. Est-ce que le patient va être d'accord pour être comme ça soumis aux aléas de stratégies qui sont pas très bien définies? Mais c'est des stratégies de toute façon qui dans certains cas on opère des gens qui sont tous différents. Les anatomies humaines sont pas toutes les mêmes. Donc on est systématiquement en train de faire une chirurgie personnalisée. Donc vous opérez des malades, pas des maladies. Absolument. On opère des malades, pas des maladies, et on apprend des maladies. Parce que si on est obligé de simplifier un peu les choses pour pouvoir les intégrer, pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir les communiquer. Mais on opère des maladies, on opère des anatomies tout à fait particulières. Et toute la particularité, c'est justement de pouvoir intégrer le fait que aujourd'hui, on est dans une médecine personnalisée avec un devoir de résultats qui est extrêmement élevé, parce que les résultats sont... la mortalité de la chirurgie hépatique est très très faible, et heureusement. Ça, c'est parce que on est tout le temps dans une volonté de faire de la médecine extrêmement personnalisée. Si vous opérez des malades et non pas des maladies, ça veut dire que vous n'avez jamais fait deux fois exactement la même opération. Non, c'est pour ça qu'il faut être capable de la planifier, de l'anticiper. Et c'est pour ça que je travaille depuis très nombreuses années maintenant avec l'INRIA autour de la production de jumeaux numériques. En fait, l'idée, c'est de pouvoir faire une opération dans sa tête, ou même avec un ordinateur avant de la faire réellement. L'idée, c'est de pouvoir avoir, à partir du scanner préopératoire du malade, une reconstruction tridimensionnelle de son foie qui va nous permettre de faire une chirurgie virtuelle et d'évaluer les conséquences anatomiques et fonctionnelles de nos actes. Et ça, c'est quelque chose qui n'est plus du domaine de la science-fiction, puisque moi je travaille avec deux personnes, Irène Vignon-Clémentel et Stéphane Cotin à l'INRIA, qui sont des mathématiciens, hein, avec lesquels je travaille depuis longtemps et avec lesquels on fabrique des jumeaux numériques. Donc ça, c'est pour vous entraîner en tant que chirurgien. Absolument. Mais qu'en est-il du dialogue avec le patient? Est-ce que vous lui expliquez ce que vous allez lui faire? Est-ce que ça prend un temps compliqué? D'après ce que je comprends de ce que vous faites, c'est extrêmement compliqué. Est-ce que vous avez trouvé le langage qui permette d'expliquer à l'avance ce que vous allez faire sur ces patients? Ça fait très longtemps que je travaille là-dessus. En fait, il se trouve que je dessine pas très très bien. Et il y a quelques années, je voulais expliquer justement la chirurgie du foie et je me suis rendu compte que les gens comprenaient rien à mes dessins. Donc j'ai été voir des gens qui faisaient des jeux vidéo. J'ai été voir des gens qui font des jeux vidéo et j'ai fabriqué avec une petite boîte qui fait des jeux vidéo, hein, une application justement de communication médecin-malade qui est un truc absolument gratuit sur Internet, totalement libre de droit, etc., pour pouvoir expliquer aux malades la chirurgie du foie. Et là, je crois qu'il y a un point très très très important. Alors, c'est un de mes copains qui s'appelle Enguerrand Abran qui m'a dit ça il y a très longtemps. Il m'a expliqué la différence qu'il y avait entre l'information et la connaissance. Et c'est extrêmement vrai. C'est-à-dire que la connaissance, c'est de l'information dans un contexte. C'est-à-dire que quand je vous dis, je vais vous faire une segmentectomie 8 pour un cholangiocarcinome intrahépatique et je vais vous opérer sous cœlioscopie, là, je vous ai apporté une information. Moi, je suis d'accord. Voilà, vous êtes d'accord. Et si je vous dis, et si je vous explique précisément ce que je vais faire, avec finalement une reconstruction 3D de votre foie sur une tablette ou sur un ordinateur où je vais mettre une boule et expliquer justement que je vais enlever cette partie-là du foie, eh bien vous avez compris ce que j'allais faire et j'entre dans un dialogue où on peut vraiment prendre des décisions ensemble. Alors, il s'agit pas, il ne faut surtout pas que le malade prenne la décision. Ça, c'est un point clé. Ce n'est pas au malade de prendre la décision. C'est au chirurgien, ou au médecin, ou à l'hépatologue, peu importe, de prendre la décision thérapeutique. Le malade doit être informé, expliquer pourquoi on fait ça, mais c'est sûrement pas à lui de prendre la décision. Mais est-ce que vous avez connu des cas de résistance de la part de malades qui ne souhaitaient pas que vous fassiez telle ou telle opération dont vous avez parlé? Non, je j'ai pas le souvenir de. Alors, ce qu'on voit, c'est des patients qui font, qui vont voir plusieurs spécialistes. Ça, de plus en plus, on a des malades qui vont se balader dans différents centres d'expertise et qui vont choisir le médecin ou le chirurgien avec lequel il y a le meilleur rapport. Mais habituellement, comme je connais assez bien mon métier, je suis capable de justifier mes actes. Et encore une fois, mes objectifs. Et encore une fois, avant de prendre une décision thérapeutique, on en parle et on en reparle. C'est-à-dire que je vois le malade en consultation, j'évalue la totalité de la situation, je récupère des informations complémentaires s'il n'y en a pas assez, je présente ça à l'ensemble du panel qui travaille avec moi, on prend une décision thérapeutique et je retourne vers le malade pour lui dire ce que j'ai fait. Donc c'est pas quelque chose qui se fait tout seul dans son coin. Est-ce que la chirurgie, c'est un métier compliqué ou est-ce que c'est un métier complexe? Plusieurs fois dans le livre, vous faites la différence entre les deux mots, ouais. Weber, et vous donnez des exemples qui sont convaincants et en même temps peut-être discutables. Vous dites, envoyer un astronaute sur la Lune, c'est compliqué. Élever un enfant, c'est complexe. Ouais. C'est quoi la différence? Non, mais ce que j'ai voulu expliquer, c'est, alors peut-être que c'est maladroit, mais ce que je voulais expliquer, c'est que j'ai l'impression qu'envoyer une navette spatiale quelque part, ça se fait avec des mathématiques, des équations. Enfin, c'est quelque chose qui peut se calculer, et qui a finalement, on est capable de prévoir la trajectoire parce qu'on est capable d'anticiper beaucoup de choses. Je trouve que élever un enfant, il y a beaucoup de choses qui sont pas prévisibles. Et je crois que la grande différence, c'est que une navette spatiale a été construite par un homme et un enfant, jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas exactement encore comment ça marche. Donc j'ai l'impression qu'il y a il y a la. En même temps, on le fait depuis plus longtemps qu'on envoie des gens sur la Lune. Absolument. Il y a plus d'expérience. Plus d'expérience. Alors, on parle beaucoup de robots, ouais, en chirurgie. Mmh. Vous parlez d'un robot qui s'appelle Da Vinci, mmh, qui est présent, je crois, dans presque toutes les salles, mmh, d'opération. Mmh. Est-ce qu'il mérite ce terme de robot ou c'est simplement un assistant technique? C'est pas un robot, c'est un télémanipulateur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un outil qui permet de récupérer ce que la célioscopie, donc la chirurgie qu'on fait avec des grandes pinces et une caméra, nous avait pris, c'est-à-dire la sensation de profondeur et le fait d'avoir une articulation, une liberté de mouvement totale dans l'abdomen. En fait, le chirurgien est assis dans une espèce de cabine qui est à 5 mètres du malade, et vous avez les bras au-dessus, mais c'est pas un robot, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas du tout d'intelligence. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'il n'y a pas, de toute façon, l'intelligence artificielle n'existe pas. C'est de l'intelligence augmentée, c'est de l'intelligence auxiliaire. Ben là, c'est pareil, c'est quelque chose qui vous assiste. Mais il y a des choses qui sont en train de se développer. Mais en préambule de notre conversation, Éric Weber, je citais Paul Valéry. Et lui parle dans ce livre qui s'appelle « Propos sur l'intelligence », il parle des chirurgiens, mmh, en disant que les chirurgiens sont des travailleurs manuels, mmh, qui ont le statut d'intellectuel. Mmh. Mais il dit aussi que certains intellectuels sont, comme il le dit, « fongibles ». C'est-à-dire qu'ils vont être menacés à court terme, peut-être plus long terme, par la technique, par les robots en l'occurrence. Mmh. Est-ce que vous avez le sentiment que les robots, en se perfectionnant, et peut-être en commettant moins d'erreurs, sont une menace pour votre profession? Ah, c'est un vrai sujet. Je pense qu'on est très très loin de robots qui vont faire des opérations de bout en bout. Peut-être que certaines opérations comme une cholécystectomie, une cure de hernie inguinale, peut-être même une appendicectomie, enfin des choses assez simples pourront être faites par des robots totalement dans quelques années. Je pense qu'une chirurgie du foie, une chirurgie du côlon très complexe, etc. Non, parce que ça pose des vrais sujets d'être capable d'avoir en temps réel une analyse de où se trouvent les organes, etc. Il y a un vrai sujet technologique de deep learning pour être capable de reconnaître des images, et c'est extrêmement compliqué parce que. Mais vous parlez quand même de chirurgie augmentée. Ouais. Non pas au sens du salaire, mais au sens de des capacités. Absolument. Non, je pense que. Et bien d'ailleurs, il faut, et ça c'est la chère innovation BOPA dont on aura peut-être l'occasion de parler parler 30 secondes, c'est exactement ça. La chaire innovation BOPA qu'on a mis en place entre l'assistance publique des hôpitaux de Paris, l'Institut Mines-Télécom, l'Université Paris-Saclay et la chaire humanité santé de Cynthia Fleury, elle a pour objectif de travailler justement sur cette augmentation du bloc opératoire au sens large, avec une augmentation aussi du chirurgien, et il faut que le chirurgien accepte de se faire augmenter. Et c'est là où je pense que la véritable innovation de rupture, elle va être humaine. Elle va être d'accepter de se faire augmenter et d'avoir conscience de ce que l'informatique va pas nous remplacer, mais va nous aider. Donc, et ça veut dire qu'il faut que les chirurgiens sachent comment fonctionne un algorithme d'IA et que c'est sûrement pas un ordinateur qui va prendre les décisions à notre place, mais qui va nous aider. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'actualité, cette fameuse pandémie de Covid? Qu'est-ce qu'elle a changé à votre métier? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce qu'elle a mis au chômage technique des chirurgiens? Elle a pas mis au chômage technique des chirurgiens, mais pendant la première vague, indiscutablement, on ne pouvait plus opérer puisqu'il y avait des malades partout et à juste titre, hein, d'ailleurs, il fallait absolument sauver des malades qui allaient mourir à très court terme. Mais on a arrêté d'opérer pour pouvoir conserver des réanimateurs, des lits de réa. On a transformé des blocs opératoires en réanimation pour les patients qui avaient la Covid. Et voilà, donc c'est vrai que on s'est retrouvé un peu au chômage technique et les anesthésistes réanimateurs sont devenus les grands seigneurs de l'hôpital. C'était assez rigolo parce que d'habitude, c'est plutôt les chirurgiens qui sont sur le devant de la scène. Là, brutalement... Vous avez été doublé. On est un peu doublé, ouais, j'ai l'impression. Mais vous dites que la grande leçon, le grand apport de cette crise, pour vous, ça sera ce que vous appelez l'EDS. L'entrepôt de données de santé de l'assistance publique. Ah, moi, j'ai trouvé... Alors, qu'est-ce que c'est? En fait... On a plus que deux minutes. Alors, l'entrepôt de données de santé de l'assistance publique, c'est le fait que, à la PHP, on a été capable de créer une base de données, qui est une base de données pour faire de la recherche, hein, qui permet de récupérer la quasi-totalité des données qui viennent du soin. Et c'est un outil remarquablement intéressant pour pouvoir faire des découvertes dans le domaine médical, parce qu'il y a une population de malades absolument astronomique. Et la grande différence et le grand intérêt de l'EDS, c'est qu'on a à la fois des données et des docteurs. Et c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui parlent de data science, choses comme ça, et qui pensent que les data scientists vont faire tout seuls des choses. Mais un data scientist sans un docteur ou un expert qui va lui poser les bonnes questions, ça sert à rien. Donc là, on a à la fois des data et de l'autre côté des docteurs. Et le vrai sujet, c'est qu'il faut que la population médicale de l'assistance publique s'empare de cet outil qui est l'entrepôt de data de santé. Et je dois dire qu'il y a une personne qui s'appelle Elisa Salamanca, qui est la responsable de l'EDS, qui a boosté énormément ça au moment du Covid. Et c'est vrai que ça, c'est un des points positifs du Covid, en tout cas un tout petit... il y a eu pas mal de découvertes avec le Covid, mais ça en fait partie. C'est-à-dire que ça, on a vraiment boosté un outil qu'on va poursuivre après. Mais évidemment, j'espère qu'on va rapidement traiter la totalité du Covid, surtout. Est-ce qu'il y a un monde d'après différent du monde d'avant? Est-ce que le Covid va changer la vie à l'hôpital pour les... chirurgien comme vous, ou pour la vie collective en général? Non, je pense que le Covid nous a appris une chose, c'est que on pouvait pas répondre uniquement par non ou par oui à toutes les questions. Et que je pense qu'on a appris, et vous l'avez dit avant moi, que la réponse « je ne sais pas » est importante. Et ça, s'il y a quelque chose que nous a appris le Covid... Mais plutôt que « je ne sais pas », est-ce que c'est pas plutôt « nous ne savons pas » ? Absolument. L'idée que c'est la science en tant qu'entreprise collective. Ouais. Ah, ça, c'est pas une affaire personnelle, parce que je ne sais pas, ça peut vouloir dire moi en tant que moi-même. Ouais. Je connais pas la réponse, mais d'autres que moi pourraient la connaître. Or là, non. C'est un vrai sujet. Personne ne sait. Bah oui, oui. Mais c'est absolument. C'est qu'il y a des situations où, alors maintenant, dire on ne sait pas, ça veut dire qu'on est capable d'intégrer la totalité de la science, dans le on. Et dans certains cas, moi, avec beaucoup d'humilité, je dis je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne sais pas. Peut-être que d'autres savent, mais moi, je ne sais pas. Bon, Eric Vibert, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je recommande très vivement la lecture de votre livre « Droit à l'erreur, devoir de transparence ». J'avais 1000 autres questions, mais ça sera pour une autre fois. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Jean Frédéric, que je remercie, et à la réalisation Anna Holweck, que je remercie également. Tout de suite, c'était dans quelques instants, vous retrouvez Olivier Agesbert pour En français dans le texte. Thank you.